François Kimana sur la mise en onde au micro, c'est Vestine Boutoui. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce journal. Donc voici les principaux titres. L'incendie survenu dans un magasin situé tout près de l'ancien marché central de Bujumbura la nuit de ce mercredi a occasionné une perte estimée à 50 millions de francs burundais. Annulation ce mardi des tarifs fixés au début du mois de décembre 2021 sur les trajets à moto en province de Rumonge par le gouverneur de cette province était lors d'une réunion à l'intention des conducteurs et propriétaires des motos. Le reporter du jour est Francine Ndiokubgayo. Il nous conduit vers la province Gitega sur la colline Rutegama où des jeunes n'ayant pas terminé leurs études se développent sur base des petits projets. Et comme à l'accoutumée ce mardi, vous avez droit à la chronique sur le message de Yen, les centrés aujourd'hui sur le mariage interethnique. Voilà pour les titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, les dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine ainsi que ceux de leurs États membres respectifs vont se réunir au 6e sommet de l'Union européenne et l'Union africaine qui se tient à Bruxelles pour 17 au 18 du mois en cours. L'objectif est de lancer un ambitieux paquet d'investissements en Afrique-Europe en tenant compte des défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle. Au cours du 5e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, les priorités étaient centrées sur 4 domaines stratégiques dont les perspectives économiques pour les jeunes, la mobilité et migration. Différentes catégories de marchandises d'une valeur estimée à 50 millions de francs burundais ont été consommées par le feu la nuit de ce mardi à mercredi dans un des magasins situés tout près de l'ancien marché central de Bujumbura. Stanislas Nimbona, responsable de ce magasin, affirme que l'origine de ce feu est l'explosion d'un câble électrique souterrain. Il demande à la régie des eaux de faire à chaque fois la maintenance de son réseau électrique pour éviter pareil accident. Jean-Marie Mayonga s'est rendu sur le lieu. Ce magasin qui a pris feu se trouve à côté de l'ancien marché central de Bujumbura, dans une partie en amont devant l'ancien grenier du Burundi. Selon Stanislas Nimbona, responsable de ce magasin, l'incident a débuté vers 2h du matin quand le veilleur lui a téléphoné et a expliqué que le feu a pris origine sur un câble électrique qui a explosé. On m'a téléphoné vers 2h du matin, me signala que mon magasin a pris feu. Arrivé, j'ai trouvé que le feu avait déjà envahi l'intérieur et j'ai demandé au veilleur de me montrer la source de l'incendie. Il m'a expliqué que c'est un câble électrique souterrain qui a explosé et a touché les sachets qui étaient à cette fenêtre et a pénétré jusqu'à l'intérieur. Plusieurs marchandises ont pris feu, comme le riz, l'huile de coton, les pampers et autres. Je ne peux pas les énumérer car je suis débordé. Il demande à la régie des eaux de vérifier les câbles avant leurs installations pour éviter de tels accidents. Il faut que la régie des eaux vérifie les câbles qui sont défectueuses et essaie de les protéger, car s'ils sont touchés par l'eau, ils explosent. Dieu merci, il n'y a pas eu de personnes touchées. Les marchandises composées de vivres et autres produits de première nécessité d'une valeur de 50 millions de francs burundais ont été consommés par ce feu. À la source, reportage. Les jeunes n'ayant pas terminé leurs études peuvent s'organiser et se développer sur base des petits projets. Témoignage de Vumvuhore Eric de la colline Rutegama, commune et province de Gitega. Il explique qu'il s'est lancé dans l'élevage en commençant par 2 poules. Ce jeune possède aujourd'hui 6 vaches de race frisonne, un modèle qui devrait inspirer d'autres jeunes selon les responsables de l'administration à la base. Francine Ndiokubgayo est le reporter du jour. Âgé de 32 ans, Eric Vyumvuhore est un jeune éleveur de la colline Rutegama, commune et province Gitega. N'ayant pas pu terminer ses études secondaires, il décide ainsi de pratiquer de l'élevage pour survivre. 10 ans après, il est satisfait de ses réalisations. Aujourd'hui, il parvient à produire 30 litres de lait par jour alors qu'il a commencé avec une poule pondeuse et un coq. J'ai débuté avec un coq et une poule. La poule a pondu des œufs, puis nous avons eu des poussins. Normalement, deux semaines après, les poules pondent encore. J'ai vendu des poules et j'ai acheté une chèvre. Cette dernière a donné deux chevreaux à la fois. Par après, j'ai vendu la poule et la chèvre, puis j'ai acheté un veau de 310 000 francs burundais. J'ai vendu ce veau à 700 000. J'ai vendu encore une fois des poules et des chèvres pour acheter une vache laitière à 1 200 000 francs. Aujourd'hui, j'élève 6 vaches de race frisonne et tous les lapins que j'ai déjà élevés sont au nombre de 106. Il a continué à pratiquer l'élevage de lapins, canards et poules qu'il partage ainsi à son entourage. C'est un bienfaiteur. Les gens qui font ça sont très peu. Mais pour lui, donner 20 lapins ou 30, voire même plus, c'est rien. C'est un don qu'il a. Des lapins se reproduisent rapidement. Comptez alors, pour une année, combien de lapins qu'on reproduise. C'est beaucoup. Il m'avait donné 2 lapins de race améliorée. J'ai commencé à élever des canards, puis j'ai eu des canetos. Par après, j'ai remis les canards que j'avais empruntés et je suis resté avec 10 canetos. J'ai 2 canards et des porcs déjà bénéficiés. J'ai presque 10 canetos et dans quelques jours, des porcelets et un autre porc que j'élève de la même façon. Les voisins proches profitent aussi d'une autre manière de l'assistance de ce jeune éleveur. C'est rentable. Des fois, ils nous donnent du fumier pour mettre dans nos champs. Si vous avez des problèmes, ils vous donnent de l'assistance. On l'aide moralement par des idées. Des fois, on lui montre ce qu'il faut corriger. Eric Vyumvohore compte octroyer gratuitement à toute la colline au moins des lapins et des poules pour son autodéveloppement. Un objectif qu'il pourra atteindre parce qu'il ne compte pas rompre la chaîne de solidarité. Les autorités à la base sur cette colline Rutegama appellent d'autres jeunes à prendre pour modèle Eric Vyumvohore dans l'exécution de leur projet de développement. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h passé de 3 minutes au studio de la radio Isanganiro. Le journal est continu. Ingénieur Innocent Nivise est le nouveau directeur général des transports. Il y remplace Albert Maniratunga dans un décret présidentiel du 15 février cette année. Il est également nommé Séverin Wakaregwa, directeur général et du commerce en remplacement de Venant Gendawanga. Les soins médicaux sont indispensables à un assujetti malade et le Code de la protection sociale au Burundi précise que l'assuré et ses ayants droit conservent le droit aux soins médicaux, même en cas de suspension du contrat par suite de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle. L'élément sonore de cette actualité n'est pas encore disponible. Et les tarifs fixés au début du mois de décembre 2021 sur les trajets à moto en province Lumonge ont été annulés pour désormais privilégier l'entente entre le client et le motard. Consolateur Nitunga, gouverneur de la province Lumonge, l'a déclaré ce mardi lors d'une réunion avec les motards et propriétaires des motos. Selon lui, cela évitera les conflits et plaintes qui étaient nés entre ces deux parties. Et certains habitants de la zone Ebgiza demandent au maire de la ville de Bujumbura de redonner de la valeur au terrain de football se trouvant au quartier Jawe 1. Ils expliquent que ce terrain a été transformé à la fois en garage et parking. C'était lors d'une réunion avec la population des zones Ebgiza, Buyenzi et Nyakabiga ce mardi. Le maire assure que ce terrain doit être dégagé. Et la pénurie du sucre persiste au chef-lieu de la province de Bururi. Ce produit se vend aujourd'hui de bouche à oreille à un prix variant entre 4 000 et 5 000 francs burundais le kilogramme. L'administrateur de la commune de Bururi appelle les acheteurs à dénoncer ces cas de spéculation et l'élevage des larves de mouches. constitue un ajout en protéines dans l'alimentation des porcs et des poules et coûte moins cher. Propos de Jide Marbganayo, éleveur de la colline Kiramba en commune Nyakararo de la province Mwaro, les habitants de cette localité apprécient cette innovation et demandent à leur tour d'être formés. Ceux qui s'opposent au mariage mixte d'un membre de leur famille sont souvent influencés par la culture, comme quoi le mariage est interdit entre certaines familles. Professeur Terence Tuissab est philosophe spécialisé en sciences de mariage et de famille. Précise que cela incite à l'utilisation des messages haineux dans la société. Il interpelle les membres des familles burundaises à laisser les individus faire leur choix en libre conscience pour le mariage. Et retournons sur ce qui concerne les soins médicaux qui sont indispensables à un assujetti malade. Le Code de la protection sociale au Burundi précise que l'assuré et ses ayants droit conservent le droit aux soins médicaux, même en cas de suspension du contrat par suite de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle. Retour à la lecture du Code de la protection sociale au Burundi avec Omer Ndouayo. Le régime d'assurance maladie prend à sa charge tout état morbide dû à une maladie naturelle ou à un accident d'origine non professionnelle. Cela ressort de l'article 24 de la deuxième section du chapitre 2 du Code de la protection sociale portant sur régime de base. L'article suivant parle de ce que doit bénéficier un assuré en cas de maladie. Il revient sur les prestations qui comprennent entre autres les soins médicaux et les indemnités journalières de maladie. En cas d'interruption de travail pour les travailleurs salariés, les frais de transport sur prestation des justificatifs médicaux. Les non-salariés, ajoute l'article 25, ne bénéficient pas d'indemnité journalière de maladie, à moins que le régime spécifique ne le prévoie. Selon l'article 26 de la même section, en cas d'état morbide, le paquet de base comprend les consultations des médecins, omnipraticiens ou généralistes, les actes de chirurgie et de spécialité pratique par les médecins, les examens, soins et actes de chirurgie dentaire, les actes pratiqués par les auxiliaires médicaux, les actes pratiqués par l'infirmier ou infirmière, les frais d'hospitalisation et de traitement, les frais des accessoires, pansements et autres fournitures, la fourniture de produits pharmaceutiques essentiels, et aussi parmi les paquets de base, les frais de transport sur prestation de justificatifs et aussi un paquet indispensable pour bénéficier les soins médicaux, stipule l'article 28 de la section portant conditions du service de prestation. L'assuré doit être immatriculé à l'organisme et avoir la carte d'immatriculation. Parle, rassure-moi. Dans la rubrique des messages de haine, ceux qui s'opposent au mariage mixte d'un membre de leur famille sont souvent influencés par la culture, comme quoi le mariage est interdit entre certaines familles. Professeur Terence Tuissab, philosophe spécialisé en sciences de mariage et de famille, précise que cela incite à l'utilisation des messages haineux dans la société. Il interpelle les membres des familles burundaises à laisser les individus faire leur choix en libre conscience pour le mariage. Chronique sur les messages de haine avec Cornel Amouchou. Depuis la nuit des temps, les Burundais se référaient à la tradition culturelle pour le choix du conjoint. Professeur Terence Tuissabe, spécialisé en sciences de mariage et de famille, précise que cela influence jusqu'à actuellement à certains Burundais à l'opposition des mariages mixtes. Parfois, les parents réalisent que vous avez choisi une personne de l'autre ethnie et ça peut créer des incompréhensions. Et certains parents s'opposent alors au mariage mixte parce qu'ils estiment que leur enfant risque d'avoir des problèmes dans l'avenir puisque l'enfant essaie de s'allier à des familles que j'appellerais ennemies maintenant, entre guillemets, parce que depuis les années 1960, le Burundi a connu des crises ethniques. Et alors, il y a toujours des traces, il y a des gens qui donnent toujours de l'importance à cette crise identitaire. Ils ont peur qu'il y ait des secrets qui soient divulgués. Ils ont peur que leur intimité familiale soit exposée aux autres. Surtout que ça risque d'atteindre les ennemis. Vous savez, on a souvent donné l'exemple de Dalila, cette femme de la Bible qui a volé le secret de Samson. Cela a des conséquences dans la communauté, comme l'incitation à l'utilisation des messages haineux. Alors, il y a les relations entre le nouveau couple et le parent qui se détériore. Ces gens qui sont contre le mariage mixte risquent de cultiver la polarisation, donc les haines ethniques. Donc, au lieu de considérer l'autre comme une richesse, on veut s'éloigner de lui, on veut l'autre. Et là, alors, ça crée des tensions inutiles dans la société parce qu'on va juger l'autre, de l'autre famille, de l'autre ethnie, comme un problème, comme un ennemi. C'est un peu bizarre. Le Burundi, c'est un très petit pays avec, officiellement, on dit trois ethnies. Et si vous comparez le Burundi aux États-Unis, aux grands pays comme le Nigeria, c'est vraiment ridicule de voir qu'on peut se quereller pour cette petite ethnie qui n'existe même presque pas, alors que dans des grands pays, c'est un petit problème. Toute personne est libre de faire le choix pour son mariage selon Théon Tuissabe. Moi, je conseillerais aux membres des familles burundaises de se redécouvrir d'abord. Parce que, vous voyez, ici au Burundi, on ne dit même pas qu'il y a des ethnies. Il y avait des familles. Bon, certes, il y avait une tendance de classe sociale, mais les classes, ça se corrige dans la gestion des pays. Actuellement, nous avançons en mettant en avant la liberté. Et la liberté, c'est l'élément fondamental dans le mariage. Parce que le mariage se fonde sur l'amour et on choisit celui qu'on aime. Maintenant, quand une personne a choisi son amour librement, la personne qui ne comprend pas cet amour devrait essayer de s'approcher de ces deux individus et de leur parler, de savoir pourquoi ils se sont choisis. Évidemment, s'il voit un danger dans son mariage, il a le droit d'avertir. Mais sinon, vous devez respecter son choix et plutôt l'accompagner. Cela est ainsi, après avoir constaté que dans différents pays, y compris le Burundi, les gens utilisent les messages haineux pour s'opposer au mariage mixte. Merci Ornella Mucho. Je viens de vous dire que certains habitants de la zone Ibwiza demandent au maire de la ville de Bujumbura de redonner la valeur au terrain de football se trouvant au quartier Jabé 1. Ils expliquent que ce terrain a été transformé à la fois en garage et parking lors d'une réunion avec la population des zones Ibwiza, Yenzi et Nyakabigaso mardi. Le maire assure que ce terrain doit être dégagé de points avec Jean de Dieu Irakoze. Parmi les doléances adressées au maire de la ville de Bujumbura figure le terrain de football de Jabé 1. La population explique que ce terrain a été transformé en garage et parking, comme l'explique cet habitant. Il y a des personnes bien connues, non résidentes et non actives du quartier Jabé, qui se sont attribuées ce terrain. D'autres, essentiellement des employés ménagères, y font un parking. À la tombe de la nuit, les véhicules sont nombrés à Jabé. Ils deviennent des gardiens et collectent des frais que nous ne savons pas la destination. Nous vous demandons de nous réattribuer notre terrain. Ce terrain doit être dégagé, répond le maire de la ville de Bujumbura. Il doit rester un terrain de jeu et non un garage ou un parking, ajoute le maire de Bujumbura. Le terrain de football, il faut dégager un sango. Ce terrain de football doit être dégagé. Nous allons fixer un délai de son entretien pour qu'il soit réattribué aux footballeurs, nos enfants, nos petits frères, afin d'y détecter les talents. Et quant aux détenteurs des véhicules, nous allons les dégager définitivement après avoir aménagé les parkings, plus spécialement payants dans les espaces verts qui seront identifiés pour cette fin. L'autre espace qui a retenu l'attention se trouve en zone Lorero, à l'endroit communément appelé chez Jean-Jacques. Cet habitant déplore son état pitoyable. En réponse, une salle polyvalente dont la capacité d'accueil dépasse 3000 personnes doit y être érigée, tranquillise le maire de la ville de Bujumbura, qui précise que ce projet émane du numéro. Merci Jean de Dieu, il a causé Paris ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée de ce mercredi. Merci de l'avoir suivi, merci à François Akimana pour sa parfaite collaboration et excusez-nous des imprévus festinés autour. J'étais à la présentation, au revoir, passez un bon après-midi.